Cape de bonhomme, litron de peu fra, camoufle odeur à l'autre colonne, rebeu fragile, chante du quezou, rebeu solide, vend des œufs doux. J'ai galéré dans ma vie, frère, tu m'as pas aidé, tu m'as vu faire. Je gagne en confiance quand je perds, rien dans le bon sens, tout l'inverse. Montre-moi que tu m'aimes, toi. Scène de crime, tu la nettoies. Pour le meilleur et le pire, frère. J'pense au cocktail qu'on a siroté. Gros cul fait ses culottés. Phuket et Mac pilonné. Sorti de bois chiffonné. Jack des vodka chardonnay. Haram, haram, abonné. Panam, panam, nous connaît. Du sale, c'est l'idée. Tout ça, éviter. Mathusalem, VIP. Grosse miche d'honneuse, t'es viré. Plus de chaînes chez vétérinaire. Plus d'oseille dans le périmètre. Pour vivre heureux, des fois, mec, faut souffrir. Derrière la haine et la peine, faut sourire. Vie fermée, c'est dangereux, faut sourire. Faire des sous et tout prendre, puis partir. Refrais, refrais, wesh. J'y chante, on se fait plus confiance. C'est pas méchant. Des fois je pense à toi, je pense à nous, c'est pas terrible. Pour du bif, quelques meufs, ça se termine. Refrais, refrais, wesh. T'as j'y chante, on se fait plus confiance. C'est pas méchant. Des fois je pense à toi, je pense à nous, c'est pas terrible. Pour du bif, quelques meufs, ça se termine. La misère divise, tirer sur les siens comme une guerre civile. La bataille fut longue, monte en terre si vite. J'ai buté dans l'ombre, j't'ai laissé faire ta vie. Posé en bas du bloc à rouler joint d'amener. Même en dehors, on se sent condamné. C'est souvent le plus proche qui te la met. Sur le rinté, y'aura pas tant d'arrêt. Casque rouf, cagoulé, ganté. Un vrai youf n'aime pas se vanter. Le mal par le mal, tu gagneras la paix. Bang, bang, ça prend ton âme. Prie Dieu pour s'enrayer son âme. La vengeance sera de saison hivernale. La vengeance sera de saison hivernale. Ta géchant m'a dit c'est la vie. Tu deviens fou, tu parles seul la nuit. C'est ta faute si tu perds tes amis. Mais tu restes la mif. T'as fait ton choix, écoutez les envieux. On faisait 5-5 sur un JE. Si Dieu le veut, un jour tout ira mieux. Mais je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. Pour vivre heureux, des fois mec, faut souffrir. Derrière la haine et la peine, faut sourire. Vie fermée, c'est dangereux, faut sourire. Faire des sous et tout prendre, puis partir. Refrais, refrais, wesh. T'as j'y chante. On se fait plus confiance. C'est pas méchant. Des fois je pense à toi, je pense à nous, c'est pas terrible. Pour du bif, quelques meufs, ça se termine.